barre d'acier dans ma tête, c'est brûlant. J'ai les mains tachées de sang, un homme tué à mes pieds. Je peux voir sa tête cassée dans ses yeux, ce trou noir dans mes mains, cette putain de barre. J'ai tué un grand coup de barre d'acier. J'ai tué un grand coup de barre d'acier. J'ai tué un grand coup de barre d'acier. J'ai tué un grand coup de barre d'acier. Sur ma peau, y'a du sang sur mes ranchos, la sueur dans mon blouson, et des rides sur mon front. Tes yeux noirs éclatés, devant cœur me regarder, j'ose encore me demander, mais pourquoi je l'ai tué? J'ai tué un grand coup de barre d'acier. J'ai tué un grand coup de barre d'acier. J'ai tué un grand coup de barre d'acier. J'ai tué un grand coup de barre d'acier. Je ferai de me dépêcher. Des gens m'ont vu le frapper. Je devrais l'enterrer. Je vais lui faire une pierre tombale. Comme certes que j'ai une grande malle. Sur cette pierre j'écrirai: il est mort d'une barre d'acier. J'ai tué un grand coup de barre d'acier. J'ai tué un grand coup de barre d'acier. J'ai tué un grand coup de barre d'acier. J'ai tué un grand coup de barre d'acier.